baiser avec la rambe. Ta chatte pue, la côtelette et ton cul pue. Le gigot, il t'a mis son piment dans la bouche et entre tes dents. Je vois son vieux sperme de bico. Et quand je t'encule, je sens au fond de ton cul les vieilles croûtes de sperme comme du vieux couscous ranci. Pourquoi t'as baisé avec la robe? Maintenant t'achètes plus comme les vieilles chaussures devant la mosquée. Et ton cul pue comme le tapis à prière de l'éboueur. Ah, ah, ah, pourquoi t'as baisé avec l'arabe? Maintenant partout, je vois ses restes, t'as jeté mouillé comme la menthe dans le verre à thé, vide. Le verre à thé qu'il a vidé. Ton verre à thé qu'il a rempli trois fois de suite. C'est ça l'hospitalité. Bon, c'est vrai, moi aussi j'ai baisé la négresse. Mais les hommes, c'est pas pareil. On se lave la queue et c'est fini. Mais les femmes, tout reste à l'intérieur. Tout le sperme de tous les amants s'accumule au fond et pourrit. Et pourrit au fond et ça pue. Et moi je le sens, je le sens, je le sens. Que je te baise. Quand je suce ta chatte, je sens tout le sperme pourri des étrangers qui remonte sur ma langue et m'empoisonne l'esprit. Ah, la vieille merguez, la vieille merguez pourrie, pleine d'asticots qui grouillent. Ah, la vieille merguez, pourrie, ça pue. Pleine de gros asticots qui grouillent. Oh, la vieille merguez pourrie. Sors de ton cul la grosse merguez, regarde. Ta crotte, c'est une grosse merguez pourrie. Ta crotte, c'est une grosse merguez pourrie. Oh non, ne me suis plus dans la bouche. Non, ne me chie plus dans la bouche. Ça me dégoûte maintenant. Ça me fait plus bander. C'est plus de la bonne merde saine de blanche que je vois. C'est une grosse merguez de bigot, de bicot qui pendouille. C'est sa queue. C'est carrément sa queue qui sort de ton cul. Ah, ta crotte. C'est sa queue qui sort de ton cul et qui me jute dans la bouche. Pourquoi t'as baisé avec la robe? T'as tout gâché. Ton cul est gâché. Ta chatte est gâchée. Tout est gâché. Notre amour est gâché.